Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne 14 MHz, comme tous les lundis à partir de 21h30, pour votre dose de musique de traverse et les nouveautés de la rentrée 2017. Un peu comme chaque semaine dans l'Asile, que vous pouvez d'ailleurs écouter aussi en podcast à partir du blog asile35.blogspot.fr et du mixcloud.com/redman, et y retrouver toutes les playlists et les dernières émissions et celles aussi d'il y a un an, deux ans et trois ans. Dans l'Asile le plus sûr, comme chaque semaine, je vous disais, toujours un petit peu difficile de démarrer avec des sélections pour nous foutre un peu la patate. Cette semaine, c'était un petit peu difficile, donc je me suis dit qu'on allait vous proposer un peu de musique tropicale. La semaine dernière, on écoutait le United Dictatures of Europe de Anarchy Republic of Buzz, le projet de Seb Elzin, sur lequel on retrouvait l'excellent guitariste Arto Lindsay, qui est également de retour en ce début d'année 2017 avec un tout nouvel opus qui s'intitule Cuidado Madame. Donc toujours dans les musiques brésiliennes les plus raffinées pour monsieur Lindsay, qu'on n'avait pas entendu depuis pas mal d'années dans ce registre. On l'avait écouté aussi aux côtés de Paul Listen Love, lui qui a fait partie de quantité de projets new-yorkais faramineux à la fin des années 70, début des années 80, notamment DNA, les Lounge Lizards, les Ambitious Lovers, pour ne citer que cela, et puis qui a collaboré à peu près avec tout ce qui bouge dans la stratosphère des musiques expérimentales et nouvelles. Et dans les années 90, il s'était fendu d'un projet en quatre parties, les fameux Hyper Civilizado, Mundo Civilizado, Noonchild et Price, entre le milieu et la fin des années 90. Et un petit peu moins de disques sont parus dans les années 2000. On l'avait pas entendu sur ce registre depuis une bonne douzaine d'années. Donc c'était l'occasion pour démarrer de se rappeler de sa voix assez inimitable et aussi de son jeu de guitare, avec comme toujours la musique brésilienne revue par la bande. On écoute un extrait de ce Cuidado Madame avec le titre Deck. drop. Earring lost at sea. I want you to smile and forget easily. When a wave arrives, it's perfectly still. Never been ridden. It's staggered and unreal. Rub against your cylinder hips. aluminum slab. Sweet chin, let's fuck behind the trucks. Oh chin, when I blow the balloon, I tell them I'm crocked with passion. You're my turkey fuck girl. Wanna give you all. Oh chin, at noon, under the moon, with a spoon, I could eat you. Je vous avais prévenu que ce serait de l'hyper-tropicalisme pour démarrer l'asile de cette semaine. On a attaqué avec le Cuidado Madame, ce nouvel album d'Artolitze produit par les Japonais de Pivine. On retrouve le style de l'ex Ambitious Lovers et autres DNA qui, comme toujours, mélange les sonorités du monde entier entrechoqué. Lui qui produit toujours pas mal de musique brésilienne, qui est le pays de son adolescence. Lui qui était né, puisqu'il est toujours bien vivant, le père Arto Lindsay, aux États-Unis et qui retourne régulièrement au Brésil, notamment pour produire des musiciens post-Caetano Veloso, lui qui avait produit ce grand chanteur du tropicalisme, du mouvement tropicaliste brésilien à partir de la fin des années 80 et qui avait sorti aussi donc pas mal de disques dans ce registre au milieu des années 90. On écoutait ça aussi à l'époque où il se produisait pas mal aux côtés de Noël Achoté pour le label Rectangle par exemple. Ces dernières années, Arto Lindsay, on l'a entendu également avec des musiciens français, notamment dans les projets Acapulco Redux de monsieur Julien Després. Voilà pour Arto Lindsay, ce Cuidado Madame qui était enchaîné avec Miss Annie Anxiety et ce Soul Possession de 1984. Alors Annie Anxiety ou encore Little Annie Bandez, qui est une collaboratrice depuis la fin des années 70, début des années 80, d'à peu près tout ce qui bouge dans le domaine des musiques hirsutes et hybrides du côté de la perfide Albion, mais pas que. Elle fut collaboratrice notamment de Crass, de Coil, de Marc Almond, de Adrian Sherwood sur son label On New Sound et ces dernières années d'ailleurs de Baby D. Il y a des albums qui sortent assez régulièrement. Elle se prend aussi à crooner assez fréquemment, ce qui est un peu le devenir de tout ces scènes un peu post-industrielles dans les chanteurs qui se retrouvent à crooner à l'âge de raison. Et donc sur ce Soul Possession, c'était son premier album solo. Je crois qu'elle avait sorti juste un 45 tours à l'époque. Elle venait juste de quitter son projet Annie and the Asexuals, et elle était produite à l'époque par Penny Rimbaud du groupe Crass, notamment sur son label Corpus Christi, et ce disque vient d'être tout juste réédité par Les Bons Soins du label américain spécialisé un peu dans tous ces genres de projets un peu industriels, l'excellent label Days Records. Et à l'époque, elle collaborait notamment pour ce disque disque avec les gens de Crass, également de Family Fodder, figurez-vous, et de pas mal d'autres gens, les Flux of Pink Indians, African Head Church et London Underground, donc pas mal de projets dont on a un peu oublié l'existence. Et la pochette était d'ailleurs signée par Eve Libertine, et ça vient tout juste donc de revoir le jour en vinyle. Il n'y avait pas eu d'édition sur ce format depuis quasiment les années 80. Voilà pour cet excellent disque de Annie Anxiety, que je ne connaissais pas vraiment d'ailleurs. Je l'ai réécouté à l'occasion de cette réédition. Voilà, on va continuer avec un autre projet, et cette fois-ci des gens totalement inconnus au bataillon. Il s'agit du projet de Ras O'Hara et Kumiflou sous le nom de Y, un disque qui vient tout juste de sortir sur la subdivision du label Shit Catapult, l'album label. Voilà, donc c'est leur nom de subdivision pour ces Allemands, et ils produisent donc ce disque de Olivier Douerel alias Kumiflou, qui est un Belge qui est plutôt qui s'est fait beaucoup des musiques électroniques analogiques depuis quelques années, analogiques mais assez bizarres, avec pas mal de gargouillis, de field recordings, ce genre de choses. Et il s'est adjoint les services de Ras O'Hara, qui est un chanteur folk, pour retraiter ses vocaux de manière assez surprenante. Je propose d'écouter deux titres de cet excellent disque. Ils avaient déjà sorti un premier sous le nom de X il y a de ça un an et demi, et donc il récidive avec cet excellent Y. On écoute Kumiflou et Ras O'Hara avec le titre Murder. Thank you. mensonges. Renatsa, des bonnes ont quitté les familles bourgeoises, l'injure à la bouche. Les chiens, plus serviles que jamais, sont partout cités en exemple. Aujourd'hui... Ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Là se situe l'épisode que dont je vous ai déjà parlé, oui, n'est-ce pas, oui, amusant, oui. Où le lieutenant chargé de faire la liaison avec la mission est parti à travers la forêt, la brousse, avec 4 ou 5 tirailleurs, n'est-ce pas? Un troupeau d'éléphants. Oui, c'était un troupeau d'éléphants, mais voilà, enfin, l'autre, il n'a pas, si vous voulez. Enfin, c'est une opposition. Le même jour, hélas, le roi des éléphants a mangé un mauvais champignon. D'ailleurs, la population est... On est le radio ! C'est assez... persemé à cet endroit-là, n'est-ce pas ? Je ne peux pas témoigner parce que je n'y étais pas. Et mon père non plus. Mon petit baba, tant reverrai-je, mon petit baba, tant reverrai-je, mon petit baba, tant reverrai-je, mon petit baba, tant reverrai-je. Vous êtes toujours dans les éblouissures avec cette séquence. On vous a gâté. Trois titres enchaînés. Tout d'abord, l'excellente rencontre entre Coming Flou et Raz O'Hara. Donc, le projet de ce Belge que je ne connaissais pas. Je n'avais pas écouté ses premières productions. Apparemment, il est assez connu dans le domaine un peu du nouveau dub avec pas mal d'électronique embarquée. Premier titre de ce qui s'intitule Y, qui vient tout juste de sortir sur l'album Label, voilà, la subdivision de Shit Catapult, qui démarrait avec ses musiques un peu façon Sansa électronisée, et également la voix donc de son acolyte Raz O'Hara. Coming Flou, lui qui est un bruxellois, donc assez connu pour notamment ses incarnations sous le nom de Dictaphone ou encore Swood, ainsi que le Ode Orchestra of Raz O'Hara. Voilà donc pour ce disque Y qui était enchaîné avec un mauvais champignon, figurez-vous. Et oui, ça arrive qu'on trouve des mauvais champignons, et ça a été le cas pour monsieur Jean Matab, alias monsieur Durand. Et il s'agit de la face B d'un 45 tours publié ces jours-ci par l'excellent label Kouguyou Music, qui est la subdivision 45 tours fracasse du label perpignanais et aussi boutique de disques Stop Gold, dont s'occupe l'activiste Marcus Detmers. Et on vous avait déjà proposé un premier 45 tours, la première référence de Kouguyou Music, qui est le nom de la boutique tout bonnement associée au label label Stop Gold. Et Kuguyu avait publié notamment un disque de pièces du début des années 80 de Pascal Comelade en compagnie de Armando ou Armand Frigico Mirales, qui était vraiment très très bon, carré noir sur fond noir. Et il a récidivé ce Kuguyu Music avec un autre 45 tours de des Liminianas, ainsi qu'un disque plutôt pop cette fois-ci de Hello Lisa, qui est un petit peu moins intéressant, et donc un tout nouveau 45 tours sur lequel on retrouve en face A la fameuse lettre à monsieur le chef de gare de la tour de Carole datée de 1969 de madame Brigitte Fontaine en compagnie de l'Art Ensemble of Chicago, extrait du fameux album Comme à la radio, donc qui n'avait pas donné lieu, je pense, à l'époque à une parution 45 tours, alors là je peux me tromper. Et sur la face B, donc deux pièces de musique, bon, on pourrait dire un peu acousmatique, de collage sonore, un peu dadaïste du fameux monsieur Durand, qui doit être basé dans la région de Perpignan actuellement, et qui fut aussi un activiste parisien, notamment ces pièces, on les retrouvait à l'époque de leur enregistrement sur un disque qui était sorti aux éditions Motus dans leur série acousmatique, donc pour voilà l'enregistrement sous le nom de Jean Matab, et donc maintenant il se fait appeler Monsieur Durand, et peut-être même l'impossible Monsieur Durand, avec donc ce Un mauvais champignon sur cet excellent 45 tours de Kuguyu. On va continuer avec là encore une réédition, mais une réédition d'un disque très très rare, je pense, sous le nom de Impact Synthesize Sound and Music, que nous devons au méconnu H-Tickle, qui était le projet de l'italien Armando Sciaccia, qui a eu pas mal d'autres alias, notamment. Notamment, il se faisait appeler aussi Pantros, Peter Hamilton et autres Vittorio. Et il a été le fondateur d'un excellent label de librairie musicale qui a été actif à partir du début des années 60 jusqu'au début des années 90 dans la région lombarde. Et donc Armando Sciaccia, avec ce projet, a publié pas mal de choses et notamment des disques sous cet alias H. Tickle. Au tout début des années 70, il y avait eu un distorsion pop et ce Impact Synthesize Sound and Music, qui était un disque donc publié par Vedette en 1971, très très exactement, dans un registre assez architecture et texture sonore un peu, enfin très très moderne pour l'époque, avec un côté un peu pré-industriel, pré-warp aussi sur certains côtés. Et ça vient tout juste d'être réédité, ce disque, par l'excellente marque, le label 2000 ans Intervallo, qui se consacre aux rééditions de musique de librairie musicale plutôt électronique italienne. Ça avait été aussi réédité d'ailleurs par Krilpone, dont s'occupait monsieur Vraski. Et Krilpone donc avait réédité ça en édition assez limitée au milieu des années 2000. Et je vous propose d'écouter le titre qui démarre cet excellent disque de l'italien H. Tickle. Ça n'a pas pris une ride. On écoute le titre Colubium. Thank you. Thank you. rassurez-vous, l'Asie le plus sûr n'a pas été capturé par un candidat qui commence par la lettre F et qui se termine par la lettre N, cloné par les petits gris, mais c'était une séquence pour le moins cosmique qui a démarré avec le fameux Armando Chacha et son projet H Tikal, ce disque de librairie musicale vraiment très réussi dans les textures et les architectures sonores électroniques assez abrasives, sous le nom de Impact Synthesize Sound and Music, un disque Vedette Records, ça ne s'invente pas, de 1971, qui vient tout juste d'être réédité en vinyle. Je crois que c'est la première réédition en vinyle pour ce disque grâce au bon soin de Intervallo de Milan. On a enchaîné avec le fameux Rutger Zuiderveld qui, comme son nom l'indique à peine, est batave et vit à Rotterdam, plus connu en tant que membre éminent du projet Machine Fabric, voilà, depuis le début des années 2000. Il doit avoir à peu près une centaine d'enregistrements à son actif sous différents alias et notamment aussi sous son propre nom, Rutger Zuiderveld. Et donc cet Astroneur, qui est une musique de jeu vidéo, figurez-vous, d'un jeu vidéo publié, je crois, pour la Noël dernière. Et donc Rutger Zuiderveld, qui fait feu de tout bois, on a profité pour faire une petite édition CD et téléchargement de cet Astroneur. Alors peut-être que vous avez ça sur console, je ne sais trop comment on appelle ça, moi qui suis très très joueur, comme vous vous en rendez compte. Donc en tout cas, Astronef, c'est un jeu, je crois qu'il y a pas mal d'informations sur internet. Donc si ça vous intéresse de jouer sur les textures de Rutger Zuiderveld, n'hésitez pas à chercher Astronir, c'est à deux œufs d'ailleurs. Et la musique est plutôt pas mal, pas mal de petites séquences. Ça, j'ai un peu de mal à imaginer le jeu lui-même. Et on a terminé avec cette capsule temporelle, extrait du tout nouvel album double disque Xos de Villemahou, rien que ça, de monsieur Jacques Brodier, qu'on avait rencontré avec le Filtre de réalité qui était sorti il y a de ça 3-4 ans. Alors c'est un personnage assez étonnant, ce fils de bûcheron qui s'est tenu pas mal à l'écart des médias. On peut pas dire qu'on l'a beaucoup entendu parler de lui ces 20 ou 30 dernières années. Il a fait profession de technicien de radio pendant les années 60 et 70, qui l'a amené à pas mal enregistrer et aussi à fabriquer, à pas mal bouger, notamment entre les États-Unis et l'Europe, et à fabriquer dans le garage de sa maison au Havre un instrument de sa propre création sous le nom de le Filtre de réalité, qui est un processus qui réunit des systèmes de réverbération à plaque avec des contacteurs électroniques, des cadres harmoniques modulaires, et c'est piloté par un pupitre, genre de clavier sans touche, avec des couleurs, voilà, donc une sorte de proto-synthétiseur qu'il joue chez lui, et pas mal de musiciens ont commencé à s'intéresser à son art, notamment Eric M et Eric Lacassa, donc le platiniste marseillais et le metteur en son de pas mal d'environnements sonores, qui sont allés enregistrer en fait ces pièces il y a de ça quelques années. Un disque s'en était suivi et c'est le deuxième, donc il vient tout juste de paraître sur Penultima Press, et il y a aussi d'ailleurs des visuels et des textes de monsieur Jacques Brodier, qui est aussi plasticien, qui fait tout de ses mains. Et on en reparlera certainement dans une prochaine émission de l'Asie le plus sûr avec d'autres extraits. Là c'est un morceau un petit peu clin d'œil, on pourrait dire. Il y a d'autres morceaux avec des textures peut-être un petit peu plus audibles en radio. Voilà. On va continuer avec tout autre chose, et cette fois-ci le guitariste portugais Norberto Lobo, qu'on rencontre assez régulièrement ces dernières années, notamment pour des disques qui étaient sortis aux éditions Mbari Musica ou encore Spuma, notamment avec des musiciens plutôt des scènes, des nouvelles scènes improvisées expérimentales portugaises. Il avait sorti aussi un disque, un premier album solo avec une pochette vraiment très très belle aux éditions suisses 3-4 Records, et il récidive cet automne avec Muxama. Alors c'est une sorte de musique un petit peu folk, mais pas trop dans le registre américain. Il y a plutôt un côté un peu bizarroïde, un peu piscornu aussi dans la musique de Norberto Lobo. Je propose de découvrir cela avec une charade, de la charada. Yeah. Some I I'm what's now I really I well no oh that's have yes your right did no sure oh how I most you yep well sure oh yes sure do oh and we then it I owe people no it's theirs yes da da da what jingle children you oh oh can no could I you if I no same well did no it's I whatever right but no did I no oh it yeah did yeah did no did I did no it with no oh yes yeah or oh if isn't there yeah how well have we I write so right did no do oh but no have oh did I well oh yes right it's is I what oh now well oh what yeah what that did I do yeah would we picnics yeah would oh would yeah did well what well that so you're do well do yes did yes how I'm I write and we did yeah I da da da do no sure well what oh were yes did yeah were there that's yes where upstate oh well yeah it's yes not were yeah then no you know when I later write you right I'm oh yes oh it oh I that's does right no no over right I right she oh yes yeah that they well she yes that's it's well just oh sure oh did no what's oh you right what well so right what well where well so yeah and well what's I do not did oh what well for yeah to write like pictures right but oh who they well what that's oh right that's right what's I then I did no you've right never I did oh not oh what why and it if oh it do sure do I do not how yep what oh so right that's oh who am I did no did I do sure did that what I television I like no how well would I want oh how oh in its how oh you oh and yeah so really how oh and no you well I oh I well nothing right do well I write do yeah and I and no do no what's oh what's Joseph that's oh have I no did yeah did I yeah but oh where to was they nothing right when well what was well did no did no did I how oh do right you that's did oh do oh what's well but yeah did right did oh did just like well so oh what yes I did I do well is yeah do not do not it's well dreaming isn't I anything. Right. Okay. Smile. Here. Yes. Da-da-da. Et oui, aussi dans l'asile, on adore les musiques folkloïdes qui partent en cacahuète ou en sucette. On a démarré avec le délicat Norberto Lobo et ce disque Muxama qui est sorti sur étiquette suisse 3-4 Records. Très très beau catalogue sur ce label Helvet. Et on a enchaîné avec la rencontre entre le conteur monologuiste, un peu poète aussi américain, David Greenberger, aux côtés du guitariste et banjoiste Glenn Jones et Chris Corsano qui jouait des percussions tout en décalage sur ce disque qui sort ces jours-ci sur l'étiquette bruxelloise Ukraina Records, un double 45 tours sous le titre An ID in Everything, qui est une collection, un florilège devrais-je dire, de miniatures. Là c'était une pièce très très longue, il y en a très très peu d'aussi longues, plutôt des morceaux entre 0,40 secondes et 2 minutes à peu près, mais ça avoisine plutôt la minute. Donc des haïkus sonores par David Greenberger et ses deux acolytes. Je crois qu'ils ont tourné pas mal ensemble, ces trois là, et le label Ukraina qui est toujours plutôt porté sur les rencontres assez atypiques. On vous avait passé notamment les folk song sequels de Héloïse Descazes et Delphine Dora, pour ne citer que celle-là. Donc le label Ukraina s'est fendu d'une double galette. Je crois qu'ils aiment bien les petits formats avec des pochettes toujours très colorées, dans un registre un peu peinture naïve. Et on va retrouver Chris Corsano avec un autre projet, cette fois-ci en duo aux côtés d'un pianiste d'origine irlandaise que je ne connaissais pas du tout, originaire de Dublin, Paul J. Smith, dans un projet qui s'appelle Psychic Armour, et ça vient tout juste de sortir là encore sur une nouvelle étiquette, un nouveau label que nous devons à ce Paul J. Smith et John Russell, le guitariste britannique un tantinet plus connu dans le domaine des musiques improvisées. Alors là c'est un tout autre registre musical, on est plutôt dans une genre façon Cecil Taylor. Voilà, on écoute le titre qui démarre cet excellent disque Psychic Armour, donc l'armure psychique, avec ce titre Taming in the Power Cut. We'll be right back. Thank you. que ça remet un peu les idées en place pour le début de semaine. Cet excellent duo entre Paul J. Smith au piano et Chris Corsano à la batterie, et ce projet Psychic Armor, le disque du même nom qui vient juste de sortir sur Weekertoft. Juste avant de se quitter, une petite annonce concert avec le festival Outre Mesure qui se tient à Rennes ces jours-ci. Excellent festival de la création en musique contemporaine, installation sonore et tutti quanti. Ça a lieu ces jours-ci avec trois après-midi et soirées, jeudi 19 janvier, une manifestation que vous pourrez suivre au Musée des Beaux-Arts à Rennes, donc dans la rue Hoche, avec une installation de Karl Neigelen. Alors vu les photos, ça a l'air vraiment faramineux, avec pas mal de tuyauteries dans tous les sens. Et il y a des performances à 18h et 19h le lendemain, le surlendemain plus exactement, le samedi 21 janvier à la Criée à partir de 14h et pour 3h, différentes performances se succéderont, notamment des mélanges entre pièces contemporaines du Frédéric Zrouski au piano, donc de ce musicien contemporain, ainsi que Jérôme Gamme, également François Saran qui vient de sortir aussi un disque d'ailleurs, et puis des performances notamment de Gilles Amalvi qui fera donc ses textes de poésie mélangés à de la musique. Tout ça est en entrée libre, c'est gratuit à la Criée ce samedi 21 janvier, et on remet le couvert le dimanche au groupe scolaire Saint-Exupéry et au FRAC de Bretagne, donc au lycée agricole Saint-Exupéry dans sa serre d'hiver, pour un pique-nique autour des chants d'oiseaux de Messiaen et du plasticien sonore Ruben Ders, pour une performance co-animée entre le festival Outre Mesure et Le Bon Accueil. Plus d'informations sur outremesure.wixisite.com. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque et les retrouvailles avec l'excellent saxophoniste d'origine américaine et qui vit aux Pays-Bas ou peut-être au Brésil, vu le nom de ce LP Salao Brasil, qui est publié par le label De Vilnius No Business. Et on retrouve l'excellent saxophoniste ténor aux côtés du trompettiste Luis Vicente et de la section rythmique Hugo Antunes à la contrebasse, et Gabriel Ferrandini, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, est à la batterie. Le disque est vraiment très très bon. Il a été enregistré donc à Salao Brasil du côté de Coimbra, et comme on a démarré avec le Brésil, eh ben on termine avec le Brésil. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous rappelle que l'émission L'Asile Obscure est podcastable, écoutable à partir du blog asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, à bientôt. Thank you.

Thank you. Yeah! Tiens, est-ce que tu prends pas? Trouble? Oh, good Lord. As a kid with another kid, I got in big trouble. He was picking these little berries. They look like very small crab apples. They're called China berries and were on our tree we had out in the desert. Anyway, he was flinging them. We were in the back of his truck and he was flinging them at cars that went by. So it was my turn and I flung one and bing! It broke the windshield of the car. We were going the other way up the hill and the car stops, turns around and chases us up the mountain and pulls us over to the side. I got serious difficulties from that one and had to pay for the windshield, which was $13.06, and that was a lot of money for me to have to work to get. I remember that exact amount. My mother impressed it into my system. That was not the thing that a 12-year-old ought to be doing. If I could meet anybody, I think I'd like to meet Einstein. I would love to talk to him about time. Time intrigues me. Are we living in the now? Or is the time moving? Or are we moving? I can't figure it out. I think it's one of the mysteries of the world. Besides, why are we here? I would like the answer to a lot of my questions. That's why I'd like to talk to him. Because I have a feeling that he found the answers to a few of those questions, but those questions that bother me didn't bother him. You see, he was questing after other questions. And I know he knows the answer to the questions I have, because he's like, eon steps beyond me. Am I expressing myself all right?